puisque Douvé m'a réuni. Aujourd'hui je veux vous parler et vous raconter une vie. Et miche que j'ai prospéré, un faux je me trouve sans ouvrage. Vé mal l'idée qui m'a passé, d'en aller louer un cave pour faire le métier de chantier. Me v'là bien heureux, quoi que t'y chafetier. Nous vivons à deux comme des vrais rentiers. J'ai accablé Kekouti, trop qu'à te former un martiaux. Inodome cave j'ai mis, comme tous les autres d'un tableau. On racomou les chaussures, propre main t'as beau marquer, et on leur fait les piqûres, comme un premier ouvrier. Me v'là bien heureux, quoi t'y chafetier. Quoi t'y sais, comme on vivons à deux, comme des vrais rentiers. Si ça ouf quand des rentiers, il m'arrive au des pratiques, je peux dire tout ce côté. Tellement je fais chaud du solide, tout le monde a couru trouver. Pour les bottines de demoiselle, là j'y mets tous mes soins, je les rends aussi bien qu'à la sortie du magasin. Me v'là bien heureux, quoi que t'y chafetier. Nous vivons à deux comme des vrais rentiers. Pour chez braves gens du village, comme ils sont tout dits sur pied. Lolo le maître des grosses dages et des coulures doublées. Mais pour les sorts, les vernis, lâchez-toi une autre façon. J'emploie du que de fille, que j'avose fait de l'invention. Me v'là bien heureux, qui est chafier. Pas de petit chafetier, nous vivons à deux comme des vrais rentiers. Et je me fais les peu vérintiers. Pendant Vinvol, je sais quand je vous le jure, je ne m'ai jamais amusé. J'ai eu tout dit à la couture, des nuits je n'ai bien passé. Mais je vous assure que puis fil, et même pour les environs, on pourra compter par mille si on les verra immonds. Me v'là bien heureux, quoi t'y chafetier. Nous vivons à deux comme des frères entiers. Acheteur me v'là bien tranquille, je peux amener du bon temps. Comme je n'ai point eu de famille, faut point penser pour mes enfants. Je me promène avec une grand-mère, au soir puis je vais m'amuser à boire trop quatre pintes de bière avec tous les autres entiers. Me viens bien heureux comme petit chaltier. Nous vivons à vingt comme des frères entiers. Viens bien heureux quoi petit chaltier. Nous vivons à vingt. Nous vivons à deux. Nous vivons à deux.